Lorsqu'on met en place cette bêtise après la Deuxième Guerre mondiale, eh bien, il y a le titre 7 de la Charte des Nations Unies qui traite du régime des tutelles, qui précise que ce sont les Nations Unies seules qui peuvent accorder l'accompagnement pour son autodétermination à un pays qui aspire à aboutir à sa souveraineté internationale. Et ce sont encore ces mêmes Nations Unies seules qui doivent mettre un terme à la tutelle. Vous comprenez? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'ils étaient embêtés, selon eux, par le combat transversal pour la bipolarisation du monde, la confrontation entre les communistes et les occidentaux, les capitalistes, dans cette fameuse guerre froide, eh bien, ils ont laissé un pan à la France de surveillance de tous les États qui pouvaient être séduits par le discours émancipateur de Moscou. Alors, parce qu'il ne fallait pas que quelqu'un soit puisse rentrer dans cet aile communiste. Alors, ils ont laissé tranquille que la France, alors qu'il fallait aller négocier l'accession à la souveraineté internationale à New York à l'époque, qui portait le siège des Nations Unies, ils ont laissé la France, et comme nous sommes en Centrafrique, aller prendre des chefs, des premiers ministres disséminés dans ce déploiement du fameux précaré pour aller signer des accords bidons, certains à Paris, d'autres même dans leur pays, parce que pour le cas de la Centrafrique, David Accord, Tombalbaye du Tchad ont été conduits au Congo-Brazzaville, rejoint de Fulbert Youlou, pour signer ces accords bidons, iniques et bizarres pour leur pays sans aucune légitimité ni même légalité, parce que c'était acté entre des pays qui étaient encore sous tutelle et un pays qui était déjà souverain, la France. Alors, les Nations Unies ont laissé couler et l'accession à la souveraineté internationale des États d'Afrique francophone a été avortée, formalisée et anesthésiée au départ. Donc, ce qui montrait très bien que ce que nous voyons aujourd'hui allait se produire in fine. Et comme nous sommes là, on se retrouve dans des secousses. Depuis par exemple 1996, avec cette première mutinerie sur Patassé, 96-97, on a connu là-bas la MISAP, mission de surveillance des accords de Bangui, c'est porté par les Nations Unies. Après, on est arrivé dans les opérations de MINUSCA, ensuite Sangaris, des choses comme ça, pour porter justement par les Nations Unies. Alors, ça n'a été que du crime, rien n'a été résolu là-bas. Alors, ce que la conscience africaine doit comprendre, c'est qu'en Centrafrique, il y a une nouvelle orientation, un nouveau paradigme qui s'est abattu sur ce pays-là pour mettre un terme à une démarche machiavélique qui avait été pensée, c'est-à-dire un désastre, un suicide programmé au niveau de la Centrafrique, mais qui est rompu net, stoppé net par un esprit qui est arrivé, qui est la reproduction sur le plan de la métempsychose de celui qui a porté la vraie vision politique au niveau de ce pays-là. Je note Barthélemy Bokanda, assassiné par ces bandits des Nations Unies et la France le 29 mars 1959, avant de produire ce David Accord. Les Nations Unies étaient responsables avec la France, c'était les complices. Alors aujourd'hui, ils se mettent encore en complicité parce que c'est difficile de mener la démarche machiavélique sur la Centrafrique parce que un acteur est arrivé sur le plan stratégique, opérationnel, militaire, dans le partenariat avec Touadéra, qui n'a pas été fabriqué par les moules françafricains. Alors, c'est ça qu'il faut comprendre, qui se passe en Centrafrique à travers des rapports bidons, pour dire qu'on ne respecte pas ceci, respecte pas cela. Lorsque la France a tué, parce que nous sommes pratiquement à plus de 55 000 morts sur la Centrafrique depuis qu'on a activé ce David Accord le 1er août 1960 avec ses fausses indépendances du 13 août, eh bien, ça n'a été que des morts là-bas. Donc aujourd'hui, on est en train de resécuriser la République centrafricaine. Il faut se projeter dans le chantier économique parce qu'on est déjà en train de potabiliser et purifier le contrôle de tous les bandits qui se baladent à gauche et à droite sur les 16 préfectures de la République centrafricaine. Eh bien, ça met mal à l'aise les bandits internationaux portés par la France déjà et la complicité des Nations Unies. C'est pour ça que vous avez été sage en disant complice de la France. Déterminant à finir avec la La Russie. Russie. Mais la Russie est en train de mettre mal à l'aise. La Russie permet à ces États-là, et ces États dits faibles, de porter le rapport de force contre des bandits. Et ils ne vont plus venir sur le continent africain faire tout ce qu'ils veulent, comme ils veulent, parce que ici, nous avons arboré le costume de la liberté du choix du partenariat et l'absence de contraintes dans cette direction-là. Donc, l'Afrique doit comprendre, parce que vous êtes en train d'être tenu par le temps, Lina l'a dit, que le chantier, c'est celui-là. La République centrafricaine va se libérer très bientôt. Elle est déjà libre sur le plan sécuritaire parce qu'il y a une consolidation, un renforcement du dispositif russe qui va se mettre là. On n'a pas besoin d'inviter les Nations Unies ni la France dans ce chantier parce qu'ils ont fait leur preuve. Il y a dans leur feuille de route, c'était guetter les ressources, voler les ressources centrafricaines parce qu'on a vu les pots des gens pour porter le crime. Celui qui a été arrêté avec tout un arsenal, on n'a pas suivi le rapport qui arrive des Nations Unies. Et bien évidemment, les Nations Unies elles-mêmes, sur place là-bas, n'avaient qu'une seule mission, aller violer des enfants, des choses comme ça. Elle n'a jamais compris de rapport de la France ni des Nations Unies. Ils sont complices, point de la Russie. Mais la Russie est un gros morceau et c'est la France elle-même. Elle est salement mal placée parce qu'elle ne peut pas broncher lorsque la Russie parle. Parce que lorsque Poutine parle, eh bien le petit Macron tremble. Donc c'est de ça qu'il est question. Il faut comprendre que c'est ça, c'est parce que la Centrafrique est en train de se libérer. Et bien évidemment, la Centrafrique va libérer toute l'Afrique centrale parce que c'est de là-bas qu'on va prendre justement le point de départ hein, des changements ultérieurs sur cet D'accord. espace économique. Alors, Patrice Apak, on se rappelle également que lorsque cette affaire de rapport, de pseudo-rapport, on va le dire ainsi, est entrée en scène, il y a eu des réactions, notamment la réaction du gouvernement centrafricain pour une première fois. Par la suite, il y a eu la réaction de l'ambassadeur russe du côté, bien sûr, de la République centrafricaine, qui a même d'ailleurs accordé une interview à Afrique Média pour éclaircir justement qu'on peut caractériser peut-être comme malentendu de façon, dans un jargon plus ou moins diplomatique. Et par la suite, le même rapport, enfin du moins les instigateurs de ce rapport, qui sont notamment la France et bien sûr certains alliés, ont insisté sur le fait que les soldats russes, ou du moins les instructeurs russes, que eux ils appellent mercenaires, sont à l'origine de plusieurs exactions en République centrafricaine. Alors, on se souvient justement que la semaine dernière, il y a un communiqué, je crois, en date du 17 juin, venant du cabinet de la présidence de la République, qui donnait sa version de fait sur toutes ces accusations et de ce rapport et de l'exploitation justement des ressources minières du côté de la Centrafrique. Ils ont été clairs dans ce communiqué venant bien sûr de la présidence. Mais on a comme l'impression que jusque-là, les détracteurs de la Russie n'entendent pas raison. Non, mais bien sûr. Bien sûr, pourquoi l'analyser? Parce que vous avez connu dans la tradition en Centrafrique. Depuis David Dacko, ensuite Bokassa, ensuite David Dacko, Kolimba, Patassé qui voulait un peu bouger, on lui a demandé de rester dans cette camisole de force de manière tranquille, qui ne bouge pas. Ensuite, Bozizé est arrivé, Diotodia, Sabapanza. Alors, tout ce monde qui vient de citer était tranquille lorsque la France parlait. Et les Nations Unies. Parce qu'ils ont été préparés par les moules transafricains pour prendre le pouvoir par deux couloirs. D'abord, un, escroquerie politique et banditisme démocratique déguisé en élection. Ça s'est passé sous Patassé parce qu'on espérait qu'il ferait la même direction qu'avait prise Kolimba. Et les autres, c'est par coup d'État ostensible et extraverti devant la conscience. Comme on a enlevé David Dacko pour mettre Bokassa. Ramener ce même David Dacko pour dans une opération Barracuda, qui a même séjourné en N'Djamena sans que le président Maloum en N'Djamena ne soit au courant, pour que le lendemain on aille lui interdire d'atterrir sur son aéroport à Bangui Poco. Coup d'État. Alors, lorsqu'on revient dans Bozizé, vous savez très bien, on ne va pas refaire l'histoire. 2003, chassé comme un rat du pouvoir, Patassé, au motif qu'il était allé rendre visite à Kadhafi, qui est en train de batailler justement pour l'existence africaine. Ensuite, ce même Bozizé, allié, devenu mal élevé, peut-être parce qu'il avait la naïveté politique de porter cette indépendance sous contrôle, eh bien, on va activer un autre qui tenait une diplomatie de sorcellerie au niveau du Soudan, Diotodia, pour venir chasser et dire aux Centrafricains, je viens vous sauver de qui et de quoi personne n'était au courant. Ça n'a pas marché. On organise donc un cirque en N'Djamena pour le déposer, demander à Yahi Boni d'ouvrir le parapluie diplomatique, en demandant à Museveni en Ouganda, qui est tenu, parce que stratégiquement, lui-là, les Occidentaux le tiennent, pour leur permettre de faire un ensemble de choses au niveau de la zone des Grands Lacs et au niveau de l'Afrique centrale. Alors, donc, on lui dit, abrite-nous ce gars-ci, on abrite ce Bozizé, on abrite à partir de Yahi Boni au Bénin ce Diotodia, ensuite arrive Sambapanza. Alors, Sambapanza est venu faire un petit défilé de mode. Hein, c'est bien, elle n'a pas besoin de rester à la présidence. Elle va rester dans un quartier qui n'est pas très loin de la présidence, là-bas, bien loin des dossiers. Donc, pour que la France puisse définir tranquillement et dans la sérénité les orientations machiavéliques avec les Nations Unies, maintenant qu'arrive donc quelqu'un qui vient rendre tout à volo dans cette stratégie-là, notamment le président Touadéra, Faustin Archange, eh bien, c'est la débandade. Ils sont déboussolés. Mais maintenant, le premier élément qui amène que tout le monde soit déboussolé, c'est que Touadéra met le petit pont sur le plan sécuritaire en convoquant un adversaire que personne ne pouvait espérer. Sur cet espace-là, qu'on avait complètement domestiqué depuis cette fausse indépendance du 13 août, donc on se dit, bon, voilà, il est arrivé. Et dès que les gars arrivent avec l'efficacité qu'on connaît à la Russie, qui est l'armée qui n'a jamais commis de bavure, Ça, il faut préciser dans la conscience africaine. Le Gabon n'a jamais commis de bavure dans un pays pour créer tout le crime et la mort qu'on voit aujourd'hui, même avec l'instrumentalisation de tout ce qu'ils ont raconté au niveau de la Crimée. Donc, il n'y a jamais eu de bavure pour l'armée russe. Et dont les instructeurs russes qui sont arrivés en République centrafricaine, vous avez bien fait de le mentionner, sont venus recalibrer en termes de redimensionnement dans la compréhension, la préservation, l'intégrité territoriale des FACA, les forces armées centrafricaines, ce qui a eu la faculté de mettre ces gens en déroute. Et aujourd'hui, lorsque vous avez la sortie de l'ambassadeur russe au niveau de la Bangui, il vous explique clairement dans cette interview donnée, accordée à Bachir ce jour-là, il a bien expliqué. Et bien évidemment, dans la logique, il n'y a pas de développement économique s'il n'y a pas la sécurité. Parce qu'il y a d'abord stabilité politique et stabilité des politiques publiques. La stabilité politique, c'est l'ouverture au dialogue social et au dialogue politique, c'est-à-dire la mise en place des éléments de sécurité pour que tout le monde soit dans la sérénité avant de se projeter dans les chantiers économiques pour la construction d'une économie prospère. Alors, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Premier chantier, le nettoyage. D'accord. Alors, c'est le nettoyage là qu'ils ont commencé. Ça va être terminé complètement en 2021. Et en 2022, il faut attaquer parce que nous sommes dans le cadre d'un mandat de 5 ans au niveau d'accord. de la Centrafrique. Donc, plus au chantier économique. Alors, ils veulent perturber tout ça pour faire bassiner les oreilles avec l'instrumentalisation et la manipulation dont ils sont les seuls à avoir le secret. Donc, il faut que la conscience africaine sache qu'il n'y a pas de problème là-bas. D'accord. Les rapports bidons, personne ne doit les considérer. Ce qu'il faut considérer, c'est que la Centrafrique est en train de se libérer des mailles, la France, les Nations Unies, du banditisme international, pour pouvoir exister. D'accord. En sachant qu'exister, c'est compter, être important, avoir la capacité de réagir lorsque l'adversaire agit. Merci à vous, Patrice Sapak, pour votre présence dans le cadre de cette édition Appel sur le continent, qui se referme, nous le disions encore, ce sujet pourtant sur la République centrafricaine, avec cette guerre acharnée sur la Russie, notamment la présence russe en République centrafricaine, reviendra certainement dans le cadre de nos différentes programmations. Vous avez été nombreux à nous suivre ce soir. Toute l'équipe de fans était également là. Merci à tous nos téléspectateurs via Facebook, également ceux qui nous ont suivis en direct. Ce n'est que partie remise. Bonsoir. Allô? Bonsoir, Big Media. Vous êtes les meilleurs. Oui, bonsoir, monsieur. Je suis le spectateur. Bonsoir, monsieur. Patrick Media. Je vous remercie pour tout ce que vous faites pour l'avenir de l'Afrique. Vous êtes la seule chaîne